Man. Un tadis de Guinness, au charbon comme à l'usine. Marché de la tête au loin, cocktail, beauté des îles. J'suis pas tout yes, j'ai perdu quelques amis. J'suis pas tout yes, noyé dans mes ennuis. Vie de rêve, j'imagine ma vie dans le vaisseau. J'suis pas fait pour écrire un best-seller. J'ai qu'elle m'aime trop, je finis par un vaisseau. Vie de tête, j'ai beaucoup d'amis dans mon bendo. Prêt à tout décharger en golf cette terre. Je sais, t'aimes trop, pécho dans ma neuse. J'sais que t'as du mal à me l'avouer. Non, ma bulle m'a fait quand je rentre pas. Je réponds pas, j'suis dans le deck, c'est là pour toi. Je me transformerai comme Vegeta. J'sais que t'as du mal à me l'avouer. Non, ma bulle m'a fait quand je rentre pas. Je réponds pas, j'suis dans le deck, c'est là pour toi. Je me transformerai comme Vegeta. J'sais que t'as du mal à me l'avouer. Non, ma bulle m'a fait quand je rentre pas. Je réponds pas, j'suis dans le deck, c'est là pour toi. Je me transformerai comme Vegeta. J'sais que t'as du mal à me l'avouer. J'entends des choses, l'ange de ma gauche m'a tenté. L'ange de ma droite veut me raisonner. J'perds la tête, j'fume, j'me nique la santé. J'gamberge, jamais c'est rien sans mes comptes. T'as voulu cette vie, la drogue, l'argent, ça la rien ne tousse pas quand t'es malade. T'as connu cette vie, celle qui te balade. Elle n'est vraiment pas faite pour toi. Car toi tu payes.